Et sinon, tu peux m'aider sur le théorème de Pythagore ? Je pige rien. Bon, t'as un triangle rectangle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Hein ? Retiens juste que tout doit être carré dans tes triangles. C'est possible, ça ? Un bon pote, c'est bien. Un bon prof, c'est mieux. Pour progresser pendant les vacances, Acadomia propose des stages intensifs, en centre ou en ligne. Renseignez-vous auprès de votre centre Acadomia ou sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Si l'injonction à réussir est insupportable, l'injonction à rebondir après des échecs l'est peut-être encore plus. Y voir des bienfaits, en profiter, en tirer des leçons, rend l'échec encore plus douloureux. Et si je ne parvenais pas à m'en remettre ? Et si je n'en faisais rien ? Et si je ratais même mes échecs ? Heureusement, nous pouvons compter sur les philosophes pour ne pas réussir. En tout cas sur quatre philosophes qui, loin de s'en remettre, ont traqué, scruté, exploré l'échec sous toutes ses formes. Faisant de lui non pas la condition nécessaire pour rebondir, mais une dimension constitutive de nos existences. Coup dur, errance de l'âme, limite de la raison, Nietzsche, Saint-Augustin, Kant, mais d'abord Machiavel se sont égarés, trompés, fourvoyés, plantés, foirés, et l'ont raconté, grâce leur soit rendue. Je me trouve pas d'excuses. On n'a pas. Ah ouais, ok, j'ai complètement la honte. Ça fait 20 ans que je me prends pour un surfeur. C'est un échec cuisant. Ah, on va reprendre tout de suite notre petite mix, c'est parti. Ah, l'ordi a planté, donc excusez-moi chères auditrices et chers auditeurs, donc je salue tout de suite mon invité. Bonjour Sandro Landi. Bonjour. Eh bien écoutez, je trouve ça parfait de commencer comme ça, une semaine sur l'échec avec un énorme bug technique. Vous êtes historien, professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, directeur de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, auteur de plusieurs ouvrages sur Machiavel, dont le plus récent, Le regard de Machiavel, penser les sciences sociales au XVIe siècle, qui est paru aux éditions Presse universitaire de Rennes en 2021. Alors, est-ce qu'on peut dire que sans échec politique, Machiavel n'aurait jamais écrit Le Prince ? Enfin, autrement dit, il n'aurait jamais été Machiavel. Tout à fait possible. On n'a pas évidemment des certitudes. Ce qui est certain, c'est que Machiavel n'est pas programmé pour être un philosophe, un intellectuel. Il ne l'est pas, hein, donc par derrière. Donc il n'a pas la formation d'un humaniste. On ne connaît pas grand-chose donc de sa formation. On connaît donc des éléments très fragmentaires. Donc, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas programmé pour être un universitaire ou, disons, un humaniste comme politicien, donc d'autres personnages de la Florence de cette époque. Donc, effectivement, l'échec est, dans le cas de Machiavel, fondateur, parce que ça constitue l'échec politique. Hein, donc, son éloignement de la chose publique en 1512 constitue un tournant dans sa vie, hein, dans sa biographie. Et c'est ce qui met en mouvement une écriture. Après, donc, Machiavel, donc, il avait écrit déjà avant. Donc, c'est quelqu'un qui déjà était écrivain et qui avait publié, notamment, manuscrits ou aussi des imprimés. Hein. Pas énormément, mais donc, il était déjà dans cette posture d'écrivain. Alors, mais c'est clair que Le Prince est un opuscule, hein, comme il le définit, qui est très contingent, c'est-à-dire très lié donc à cette contingence de l'échec politique et du changement de politique qui intervient dans la République de Florence en 1512. Et est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal pour une personne comme Machiavel qui a donc effectivement a dû s'exiler, a dû se retirer de la vie politique malgré lui, de nous donner des conseils, enfin de donner en tout cas des conseils au prince, surtout qu'il faut quand même le dire, Le Prince est un petit traité, un manuel à l'usage des gouvernants qui est notamment fondé sur la capacité du prince à bien analyser les situations. Or, Machiavel a terriblement manqué de lucidité. Est-ce que c'est pas du coup un petit peu paradoxal de lire Le Prince alors que finalement Machiavel a échoué. Alors tout à fait, donc c'est pas la seule occasion hein, parce qu'en fait il donne aussi des conseils militaires dans l'art de la guerre et il était connu donc aussi pour être un piètre commandant des troupes mais bon, il était assez, il connaissait pas mal effectivement la thématique de l'échec hein, pour l'avoir effectivement expérimenté sur sa propre peau en quelque sorte. Et donc exilé, il n'est pas exilé, donc c'est un mythe romantique. Et en réalité, c'est lui-même qui s'éloigne de la ville parce que simplement il est licencié en tant que chancelier de la seigneurie de Florence. Il est relégué dans le territoire de Florence, dans le comtado, hein, comme on disait, comme on dit aujourd'hui encore. Et mais il décide à un moment, donc autour de mars 1513, de se retirer dans ses propriétés de famille. Et c'est là donc qu'il commence à, très probablement à rédiger Le Prince. Et après donc les autres ouvrages. Mais il a besoin effectivement, c'est une question d'éloignement et voilà pour se dépayser aussi. Donc c'est nécessaire, prendre la distance par rapport à ce vécu traumatisant effectivement. Donc. Je ne me trouve pas d'excuses. T'en as pas. Ah ouais, ok, j'ai complètement la honte. Ça fait 20 ans que je me prends pour un surfeur. C'est un échec cuisant. Le taureau du Bronx a reçu une sévère correction au cours de cet affrontement. Il y a l'arcade sourcilière gauche coupée, car Jimmy Reeves a beaucoup mieux boxé que lui tout au long de son... Mon pauvre vieux, t'es vraiment une loque, mon frère. T'avais un magnifique compte en banque et une super notoriété. T'as préféré tout foutre en l'air et t'as réussi ton coup. Au moins j'ai essayé, sacré bordel. J'ai au moins essayé. Dans ma tête, j'en dirais que les filles m'aiment pas, on dirait. J'en peux plus. Je vais devenir un vaurien, c'est sûr. De toute façon, demain, il pleuvra. Je vais vous dire quelle est ma vie. Je me lève le matin avec le soleil et me rends dans un de mes bois que je fais couper. J'y reste 2 heures à revoir le travail de la veille et à passer le temps avec les bûcherons qui ont toujours quelques querelles entre eux ou avec les voisins. Après que j'ai mangé, je vais à l'auberge. Il y a là d'habitude l'aubergiste, un boucher, un meunier, 2 chauffourniers. C'est avec eux que l'après-midi je m'encanaille en jouant aux cartes et aux jaquets. C'est ainsi que, plongé dans cette pouillerie, j'empêche mon cerveau de moisir et que j'épanche la malignité de mon sort, content qu'il me piétine de la sorte, pour voir s'il ne finit pas par en rougir. Le soir venu, je rentre à la maison et j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, je me dépouille de mon vêtement de tous les jours, couvert de fange et de boue, et je mets des habits de cour. Décemment habillé, j'entre dans les cours antiques des hommes de l'Antiquité. Là, aimablement accueilli par eux, je me nourris de l'aliment qui par excellence est le mien et pour lequel je suis né. Je n'éprouve aucune honte à parler avec eux, à les interroger sur les mobiles de leurs actions, et eux, en vertu de leur humanité, me répondent. Et durant 4 heures, je ne ressens aucun chagrin, j'oublie tout tourment, je ne crains pas la pauvreté, je n'ai pas peur de la mort. Et comme Dante dit qu'il n'est pas de science si l'on ne retient pas ce que l'on a compris, j'ai noté de ces entretiens que j'ai avec eux ce que j'ai cru capital et composé un opuscule De Principatibus où je creuse de mon mieux les problèmes que pose un tel sujet. Débattant de ce qu'est la monarchie, combien d'espèces il y en a, comment on l'acquiert, comment on la garde, pourquoi on la perd. Si jamais quelque élucubration de moi vous a plu, celle-ci ne devrait pas vous déplaire. Sandro Landi, vous venez de me dire que c'était peut-être la plus belle lettre italienne au monde. Au moins l'une des plus connues, oui. Au moins l'une des plus connues. Oui, donc c'est une lettre de Machiavel à Francesco Vettori le 10 décembre 1513. Oui. Il raconte sa vie en fait quotidienne, assez ennuyeuse. Et on le sent quand même assez désespéré, sauf au moment justement où il écrit Le Prince. Est-ce que cette écriture du prince qui est un manuel, on peut le dire, à l'usage, donc je l'ai dit, des gouvernants, à l'usage des princes, pour éviter de se fourvoyer dans l'échec, a été pour lui une manière de réussir là où il avait justement échoué. Oui, alors, c'est tout à fait possible, hein, c'est-à-dire c'est une tentative de rebondir, ça c'est clair. Alors par contre, sa journée n'est pas du tout ennuyeuse. Et moi je pense qu'il y a un rapport entre le déroulement de la journée telle qu'elle est racontée ici dans cette lettre, hein, et l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il raconte un peu son terrain, disons comme ça. Comme les enquêtes de terrain. Ouais, c'est une enquête de terrain. Donc d'abord, il passe son temps à voir couper le bois, donc avec les bûcherons. Ensuite, il part, donc il y a une partie de la lettre, il dit donc avec un livre, Ovide, Tibulle, et donc il va à une source, il commence à lire en solitaire. Ensuite, il revient à la rue, donc il joue effectivement à tric-trac, donc c'est... je sais pas exactement quelle est la traduction française, mais c'est un jeu. Le tric-trac, je crois. Le tric-trac, hein. Voilà, tric-trac, effectivement. Et après, donc, le soir, il se retire dans son bureau. Alors, c'est une demeure extrêmement pauvre, hein, simple, hein, parce que les Machiavel, c'est des gens pauvres. Donc, c'est une famille donc ancienne, mais pauvre. Donc, il avait des propriétés, mais des revenus extrêmement limités. Il vivait là avec sa famille et il se retire dans son bureau et il commence à lire, écrire. Donc, alors c'est un terrain complexe parce que donc il y a un jour, la journée, dans laquelle il dialogue avec les gens. À un moment, il dialogue avec les gens qui passent, notamment, c'est-à-dire les voyageurs, probablement des soldats, des gens, parce que c'est sur la route de Rome, donc les gens passaient par là. Et ensuite, donc, il se retire dans son bureau la nuit et pendant quatre heures, donc pas énorme, hein. Donc, Pas énorme. Non, 4 heures sur une journée. Voilà. Mais en fait, toute la journée est nourrie. D'un point de vue cognitif, est-ce que c'est la même valeur, si vous voulez. Le dialogue avec les anciens a la même valeur que le dialogue avec les chauffourniers ou le boucher ou les gens. Voilà. Et après, donc, le soir, il rentre, effectivement, et il commence à rédiger cet opuscule, pas que. Et il dialogue, effectivement. Il dialogue avec les anciens et donc, il pose des questions. Et il faut imaginer, c'est quelque chose de très... c'est pas simplement une lecture, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment, dans le style de la conversation à cette époque, c'est-à-dire, on pose des questions, c'est la tradition du dialogue à la Renaissance, hein, donc il y a pas mal de livres dialogués, donc il faut penser qu'il continue le même geste cognitif qu'avec les vivants, quoi. Donc il interroge des morts. Et comment lui est venue l'idée d'écrire Le Prince? On sait en fait qu'il le dédicace, ouais. À Laurent de Médicis, c'est alors, ça? Alors, il y a une double dédicace. D'abord, c'est Julien de Médicis qui décède, donc, et qui était le successeur, donc, parce que les Médicis sont restaurés à Florence, c'est pour cette raison que Machiavel, qui était secrétaire de la République, est licencié. Il était donc proche d'un régime anti-médicin. Donc, dès que les Médicis sont restaurés en 1512, novembre, il est licencié. Alors, d'abord, donc, il pense à Julien, parce que Julien, c'est un ami d'enfance. Alors, les rapports entre Machiavel et les Médicis sont complexes. Probablement, il n'était pas totalement considéré, mais comme un ennemi, hein, donc, par les Médicis. Mais, donc, d'abord, Julien, il le connaît. Donc, il pense d'abord lui dédicacer Le Prince. Ensuite, mort de Julien, et c'est le petit-fils de Laurent le Magnifique, c'est-à-dire donc Lorenzo, Laurent, duc d'Urbain, qui devient, disons, le seigneur de la cité, même si la cité reste toujours république, hein, avec toute la magistrature républicaine. Et donc à ce moment-là, il dédicace donc le prince à ce prince nouveau. Alors, peut-être. Qu'il ne connaît pas. Qui ne connaît pas. Disons, c'est quelqu'un, en plus, qui, à la différence des autres Médicis, il méprise la culture. Donc, c'est quelqu'un de, pas du tout dans la lignée de Combes, donc, des gens, des mécènes, des grands mécènes de Médicis, quoi. Et pas du tout dans la lignée de Machiavel, qui, justement, comme vous l'avez dit, ouais. Sandro Landi, va, à travers de nombreux exemples historiques, va dialoguer avec les anciens donner des conseils au prince. Tout à fait. Alors, lui, donc, il dit, en fait, son livre est nourri des choses modernes, des choses anciennes. Mmh. Donc, d'abord, de dialogue avec les vivants et dialogue avec les morts. Et alors, mais il pense qu'effectivement, dans le contexte qui est le sien et qui est celui donc de Florence à cette époque, c'est nécessaire de dédicacer ce livre à un homme qui est un homme considéré ensuite dans le 26 du prince comme un providentiel, hein, quelqu'un qui est capable effectivement de restaurer quelque chose, donc de faire revivre quelque chose. C'est ça l'idée de la Renaissance aussi. Et effectivement, alors est-ce qu'il y croit pas? Mais effectivement, c'est aussi une occasion pour lui de revenir aux choses, aux affaires, quoi. Voilà, la seule possibilité, c'est celle-là. Voilà, écrire ce livre, le dédicacer à quelqu'un qui est au pouvoir, c'est une forme de courtisanerie. Ouais, c'est ça la question que je voulais vous poser, Sandro Lodi, c'est que qu'est-ce que cherche à faire Macaulay avec ce texte ? Est-ce que véritablement il veut en fait élaborer une théorie politique du prince, de comment bien gouverner, ce qui est véritablement en fait un traité, vraiment quelque chose de théorique, ou est-ce que c'est une manière de revenir dans le jeu de la vie publique de laquelle il a été écarté ? Les deux. Je pense qu'il a d'abord donc il a une famille, donc il a besoin de travailler. Donc ça c'est important. Il se retrouve presque sans moyens. Hein. Donc le seul moyen c'est ses propriétés agricoles. Donc il a besoin de travailler. Donc il a besoin de revenir aux affaires et ça signifie donc de s'approcher de Médicis. Les Médicis donc c'est le patron de Florence à cette époque. Ça c'est la première chose. C'est très très opportuniste. Hein. Donc c'est vraiment dans une dynamique. Vettori est quelqu'un de très proche dans la lettre. Vettori c'est quelqu'un très proche du pape Léon X donc qui est. Oui c'est l'ambassadeur de la République florentine à Rome. De la cour papale. Exact. Donc c'est quelqu'un. Donc c'est toute une tentative de revenir donc de proche de la cour de Médicis. Deuxièmement, mais c'est quelqu'un donc qui évidemment donc a une épaisseur intellectuelle et là évidemment il se manifeste alors notamment dans la deuxième partie parce que comme vous avez vu donc le traité donc est tel qu'il annonce c'est des principatibus donc mais en réalité ce que l'on retient c'est le prince. C'est parce qu'en fait le titre a été modifié donc par l'éditeur en 1532 et parce qu'il a vu qu'en fait la deuxième partie du prince qui est consacrée donc au portrait psychologique donc du prince est la partie effectivement la plus novatrice. Parce qu'en réalité, c'est un traité assez classique, c'est-à-dire ce qu'on appelait les miroirs de prince à cette époque. Il y en avait déjà énormément. Simplement qu'il, lui, il rentre dans ce genre et il en fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et qu'est-ce qui constitue cette particularité dans ce portrait du prince qu'il propose ? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs chapitres, vingtaine, trentaine de chapitres. Ouais. On a au départ plutôt des exemples historiques de comment on peut acquérir une terre, comment on gouverne les terres qu'on a. Mais il y a effectivement, à partir du 15e chapitre, c'est là qu'il y a effectivement un tournant. Il dit. Maintenant, on va s'intéresser aux choses, à la chose effectuelle, donc à la vérité effectuelle de la chose. Donc, ça, c'est le vrai tournant. C'est-à-dire, on s'intéresse à les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles ont été imaginées par les écrivains politiques avant moi. Donc, il y a un avant, un après. Mm-hmm. C'est très ambitieux, quoi. Il y a un vrai. Là, il établit quelque chose. Après, donc, tous les chapitres qui suivent à partir du 15, c'est des chapitres qui sont consacrés à une sorte d'introspection du prince, donc quelqu'un qui est seul, c'est un individu seul, le prince, et qui doit donc faire face à la fortune, hein, notamment, donc à des situations extrêmement changeantes, prendre des décisions, comment les prendre, comment savoir si nécessaire, comme il dit dans le 18e, rentrer dans le mal. Alors, espoir, désespoir. En un sens, je crois qu'il faut mettre plus l'accent sur la faculté de déchiffrer une situation que sur le sentiment qui existe, bien sûr, de la déception ou bien de l'espérance. Or, il avait un art de déchiffrer les situations, et notamment il avait aussi un art de comprendre les tensions que recelait la République florentine, le danger que représentait autour de Florence, disons que représentaient les agresseurs éventuels, qui est quelque chose qui fait de lui un acteur politique. C'est extraordinaire de penser justement que cet acteur politique a pu devenir en même temps un écrivain dont nous parlons encore, dont nous sommes en train de parler. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était la voix du philosophe Claude Lefort qui explique donc que Machiavel, hein, il dit « il », mais bon, nous parlons de Machiavel, il faut le rappeler, mais c'était assez évident. Donc Machiavel avait l'art de déceler les tensions qui animaient la République florentine. Alors il dit que c'est un acteur politique incontournable. Alors on pourrait dire plutôt qu'acteur politique, un théoricien politique incontournable. Et puis vous avez commencé à le dire, Sandro Lodi, ce qu'il a véritablement, là où il a été véritablement novateur, c'est dans cette manière de dire que le prince doit doit être lucide, doit être extrêmement attentif à décrypter les situations. Comment on peut caractériser cette capacité politique ? Alors, c'est une question de regard. Hein. Alors, il y a une expression typiquement machiavélienne qu'il utilise souvent donc, dans ses traités politiques, mais aussi dans ses lettres, dans ses échanges avec Vettori, c'est « conoscere discorso », connaître à distance. Connaître à distance, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire mettre à distance les choses pour mieux les saisir, mais aussi prévoir les choses, prévoir les événements. Et ça, selon Machiavel, c'est la qualité. C'est la qualité propre au prince. L'une des qualités, mais peut-être la principale. Et c'est la qualité dont tous les princes sont pratiquement... comment dire ? Pourvu ? Ouais. Ou non, manque, justement ? Non pourvu. Non pourvu. Non. Donc c'est... En fait, dans le décennal, dans le deuxième décennal, c'est une... sorte de texte en vers, il reproche justement ça au prince, d'être incapable de prévoir les choses, de connaître les discours, donc de voir à distance. Donc oui, alors, acteur, oui, bien sûr, donc il a été pendant de 1498 à 1512, c'est quelqu'un d'incontournable dans la République, mm-hmm. hein, c'est un chancelier, donc le chancelier de la seigneurie, il a fait trois missions à Cour de France, donc il connaît parfaitement la situation du royaume. Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un d'incontournable, mais pas au premier plan, quoi. Donc c'est quelqu'un qui reste toujours dans l'ombre. Et ensuite, effectivement, voilà, il y a ce retournement vers le théoricien. Il n'est pas théoricien, donc c'est quelqu'un très pratique donc, quand il est aux affaires. Et même d'ailleurs, en fait, dans Le Prince. Alors, dans Le Prince, bien sûr, oui, Le Prince, il faut concevoir Le Prince, à différence des discours, hein, sous la première des quatre petits livres, qui est un ouvrage qui a, disons, une autre dimension, si vous voulez, plus théorique. Le Prince, c'est vraiment un opuscule, c'est-à-dire, c'est un texte pour agir. C'est un texte fait pour agir. Donc, vraiment, alors, ça explique aussi, l'énorme succès, donc, l'usage souvent, aujourd'hui, par exemple, managérial, hein, donc, du prince, dans des contextes totalement... Déconnectés. Donc, parce qu'en fait, ça se prête. Alors, moi, c'est un texte qui se prête, donc, à des lectures totalement ambiguës, parce que ça permet ça. Hein. Et c'est un texte qui se prête, donc, effectivement, à des usages multiples. Et c'est la raison pour laquelle il a survécu. C'est la seule raison. Est-ce qu'on peut dire que Le Prince est aussi une manière, en fait, de prémunir le prince, non seulement, ce ne sont pas que des conseils pour être un bon gouvernant, mais surtout pour éviter d'être dans l'échec, pour éviter d'échouer. Totalement. Est-ce que l'échec, c'est vraiment peut-être ce qui est le fil conducteur, en fait, de ce livre ? Totalement. Totalement, absolument. L'idée, c'est effectivement de doter le prince d'une série de connaissances mixtes, donc vraiment très hybrides, hein, qui lui permet de se trouver dans une situation d'impasse. Ça, c'est effectivement le but de ce texte, oui. Parce qu'effectivement, c'est, voilà, l'impasse, l'échec est quelque chose de très fréquent, peut-être le plus fréquent dans la vie de ceux qui gouvernent. Et c'est là où ça retrouve effectivement la capacité que vous caractérisiez, Sandro Landi, la capacité des princes et dont ne sont pas pourvus les princes, mais qu'ils devraient avoir, qui est ce regard, en fait, cette sorte d'acuité qui fait que seule cette acuité leur permettra d'éviter l'échec. Oui, allez, à ça. Et puis, il y a une question de regard, c'est-à-dire la capacité de prévoir. Et ensuite, il y a aussi une capacité de pas se cristalliser dans une seule nature. C'est-à-dire ? Il faut varier de nature. C'est-à-dire, ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, les hommes, les choses changent, donc les circonstances historiques sont changeantes. Mais malheureusement, les hommes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, on a une nature, donc on est, par exemple, fougueux, on est prudent, vous voyez, donc, et on reste ça. Et c'est le gros problème de ceux qui gouvernent. Quand ils restent immobilisés dans une seule nature, ils échouent. Donc, le conseil du prince, notamment dans ce texte fantastique donc du 25, effectivement, du chapitre 25, on voit bien que la fortune donc, se présente aussi voilà, sous forme effectivement de catastrophe, donc quelque chose qui peut arriver donc d'imprévisible. Et face donc à cet imprévisible qui est la fortune, le prince doit être capable de prévoir d'abord ce qui n'est pas évident, hein, à un premier regard, ce qui échappe à tout le monde. Donc il a un regard différent des autres. Et en même temps, il doit être capable de varier sa nature en fonction des circonstances. Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Sandro Landi, qui me semble paradoxal, qui est que d'un côté, le prince semble devoir être caractérisé par une acuité, donc ça doit être une capacité qui lui est inhérente, et en même temps, il doit avoir une nature presque dénaturée, changeante. Comment articuler en fait cette caractéristique pour être un bon prince, qui semble presque relever de l'essence, avoir un regard acéré, et de l'autre, une nature changeante? Ah, c'est pas de l'essence, je pense que c'est effectivement quelque chose que l'on cultive, le regard. C'est une question de pratique. Par contre, donc, le fait de varier, être renard et lion... Oui, ça c'est dans le chapitre 18. Voilà, donc, selon les circonstances. Bon, c'est ça. Il faut savoir varier sa nature et savoir être lion, si nécessaire, renard, loup. Donc voilà, il faut savoir varier de nature. Et ça, c'est quelque chose à proprement parler des surhumains. Donc le bon prince n'existe pas. Le bon prince, c'est quelqu'un qui va au-delà de l'humain, c'est-à-dire de l'humain, des capacités, disons, de la nature humaine simple, si vous voulez, donc qui consiste finalement à se figer dans une seule posture. Et c'est pour ça que les hommes échouent, parce qu'en fait la nature est la même, ce qu'on appelle les temps changent, la qualité des temps change, et là donc il y a quelque chose qui cloche. Je n'ignore pas que nombreux sont ceux qui ont été et sont d'avis que les choses du monde sont gouvernées par la fortune et par Dieu, de sorte que les hommes, malgré leur sagesse, ne peuvent les corriger et n'y ont même aucun remède. Pour cette raison, ils pourraient juger qu'il n'y a pas lieu de trop s'épuiser à faire ces choses, mais de se laisser gouverner par le hasard. Cette opinion a eu davantage de crédit à notre époque à cause des grands changements que l'on a vus et que l'on voit chaque jour, échappant à toute conjecture humaine. Pensant pour ma part parfois à cela, j'ai, en quelques occasions, penché vers leur opinion. Néanmoins, pour que notre libre arbitre ne soit pas étouffé, je juge qu'il peut être vrai que la fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'également, elle nous en laisse gouverner à nous l'autre moitié, ou à peu près. Je la compare à un de ces fleuves impétueux qui, quand ils se mettent en colère, inondent les plaines, abattent les arbres et les édifices, enlèvent de la terre ici, la déposent ailleurs. Chacun fuit devant eux, tout le monde cède à leur élan, sans pouvoir nulle part y faire obstacle. Bien qu'il soit ainsi fait, il n'en reste pas moins que les hommes, quand le temps est calme, pourraient y pourvoir, et par des levées et par des digues, de sorte que, s'ils venaient ensuite à gonfler, ou bien ils s'en iraient par un canal, ou bien leur élan ne serait pas aussi violent et aussi dommageable. Il advient de même de la fortune, qui manifeste sa puissance là où il n'y a pas de vaillance préparée pour lui résister. Et qui donc tourne son élan là où elle sait que l'on n'a fait ni digue ni levée pour la contenir. C'était le chapitre 25 du Prince de Machiavel, combien la fortune a de pouvoir sur les choses humaines et comment on peut lui résister, un texte interprété par Bernard Gabay. C'est un chapitre que vous avez cité, Sandro Landi. C'est un chapitre incontournable pour comprendre justement cette manière dont le prince est un traité qui va permettre au prince de ne pas échouer, et revient ce concept fondamental qui est celui de la fortune, qui effectivement, on pourrait le dire, et la définition de ce qui nous arrive, de ce qui advient. On parle de bonne fortune ou de mauvaise fortune. Or, Machiavel veut en faire un allié pour ne pas échouer pour le prince. Oui, alors c'est un chapitre qui porte sur le libre-arbitre. Hein. En réalité, voilà, 50%, il dit. 50-50. 50-50. Voilà. Il y a 50 pour nous, 50 pour le... La fortune, qui est cette force immanente, hein, c'est une force, c'est la force de la, c'est-à-dire, c'est la vertu de la nature, quelque sorte. On pourrait dire la vertu de la nature, c'est quelque chose, c'est une force naturelle qui se manifeste là, dans cette métaphore, c'est la métaphore d'une rivière. C'est très léonardien, par ailleurs, parce que Léonard travaille à cette époque sur le fleuve, donc il y a des croquis machiavéliques, Léonard qui représentent exactement la même chose. Donc, il y a un travail, c'est probablement des dialogues entre les deux. Donc, il parle dans ce cas de fiumi rovinosi, rovinare, ruinare. Ruinare, c'est ruina, c'est le mot italien pour définir l'échec pour Machiavel. Ruina, c'est-à-dire rovinare. Ce qui a donné les ruines. Chute, ouais. Chuter, chuter, on peut dire, faire faillite, c'est ruinare. Hein. Machiavel utilise ce mot-là. Et dans ce cas-là, donc, il dit fiumi rovino, fiume rovinoso, fleuve donc qui amène de la ruine, qui provoque de la des ruines. Et donc là, effectivement, c'est l'idée de se préparer, hein, donc, d'anticiper, donc, de préparer des digues, de préparer, donc, d'anticiper la force de la nature. Et, alors là, dans la suite de ce texte, donc, il y a effectivement la question aussi de la nature, comme je disais, parce que d'abord, il y a effectivement la fortune se manifeste sous forme, effectivement, d'imprévisible. Mais c'est aussi quelque chose qui a à faire avec des conjonctures célestes. C'est-à-dire, il y a une dimension astrologique assez forte. Donc, qu'il y a, selon les conjonctions célestes, donc, il y a certaines choses qui sont plus ou moins faciles à faire. Voilà. Et il y a des choses que l'on peut éviter. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle la qualité de temps. La qualité de temps, c'est un autre aspect de la fortune. La qualité de temps, c'est la conjonction des astres qui fait qu'une époque est caractérisée par certaines choses. Voilà. Donc, il y a des guerres. Il faut savoir donc, lire les temps. Donc, pas seulement les phénomènes de la nature, mais il faut savoir être capable donc, de lire les circonstances historiques. Donc cette capacité de lecture, hein, cette acuité qui est en même temps une acuité qui s'adresse aux choses de la nature, mais aussi aux choses historiques, les deux. Mais comment on acquiert cette acuité? Est-ce que ça relève d'un don ou est-ce que véritablement, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'art, donc de oui, cultiver c'est un, cet art. Oui. Alors lui-même parle arte dello stato. C'est une expression qu'il utilise dans une lettre à Vettori, arte, hein, arte. C'est très intéressant parce que art, c'est une technique. C'est la techné d'Aristote, hein, donc sa techné. Et techné, c'est un savoir neutre, moralement neutre. On peut apprendre l'art de la laine. Elle dit donc l'art donc des marchands, si vous voulez, et l'art de lo stato, avec la même posture morale. C'est-à-dire, c'est des actions moralement neutres. C'est de la techné. C'est quelque chose que l'on apprend. Donc, on l'apprend sous le terrain, mais on l'apprend aussi. Et c'est ça le but du prince, c'est-à-dire donner un surplus de connaissances. Quand il dédicace son ouvrage donc, au prince, il dit « Moi, je te fais don de ça, parce que je suis riche en connaissances. Et c'est une connaissance que j'ai acquise grâce à mon expérience de l'État. » Donc, l'écriture est un surplus de connaissances, c'est-à-dire chacun a son expérience des choses. Mais si je peux bénéficier du conseil de quelqu'un qui a vécu ça, alors c'est extraordinaire. Et je peux peut-être parvenir à un niveau de conscience qui est supérieur à celui de la moyenne. Quelle différence faire entre la fortune dont parle Machiavel et qu'on semble pouvoir apprivoiser ou préparer, en tout cas apercevoir et donc effectivement maîtriser, et le destin qui nous tombe dessus? Ouais. Mais le destin, voilà, c'est un aspect de la fortune. Le problème, c'est savoir comment réagir à des situations qui sont nouvelles, imprévisibles. Et souvent mauvaises, parce que. Et souvent mauvaises. Et souvent on parle bien d'échecs. Et souvent mauvaises. Et ben là, donc, justement, là, le conseil que Machiavel donne, c'est non seulement de se préparer à ce qui est impensable, et que la plupart des gens ignorent. Donc, pensez l'impensable comme possible. Première chose. Pensez l'impensable comme possible. Et deuxième chose, c'est d'être capable, justement, d'adapter son propre comportement à des situations imprévisibles. Et là, c'est effectivement là, le renard et le lion. Voilà. Savoir aussi saisir des énergies profondes. Parce que la question de l'animalité, qui est très importante chez Machiavel, justement, savoir saisir chez soi des énergies latentes et qui ne sont pas d'ordre rationnel, mais qui sont capables, dans des situations extrêmes, de nous sortir de l'impasse. J'ai essayé de remplir le mandat qui m'avait été confié par l'Assemblée nationale. J'ai essayé de constituer un gouvernement de concentration républicaine et démocratique dans un climat de concorde nationale. J'ai échoué. Peut-être cet échec m'est-il imputable à moi-même, peut-être dans la conjoncture politique actuelle, ma tentative n'était-elle pas réalisable. Quoi qu'il en soit, j'ai échoué. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Léon Blum, Charles de Gaulle, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, on peut dire quatre hommes politiques qui ont échoué. Que peut dire Nicolas Machiavel à ces quatre personnalités? Une fois que l'échec est arrivé, on a l'impression qu'il donne des conseils pour anticiper l'échec, mais une fois que l'échec est là, que faire? Ah, mais ça rappelle beaucoup l'échec du gonfalonier à vie de la République de France. C'est une fonction que l'on peut comparer à président de la République. À l'époque, la République de France, Florence est une cité gouvernée par un gouvernement républicain. À la tête, il y avait un gonfalonier, donc qui est, disons, l'autorité suprême. Et à l'époque de Machiavel, c'est Pierre Soderini. Et il pourrait s'ajouter, effectivement, ça pourrait être le cinquième, donc dans sa déclaration d'échec. Et Machiavel n'a pour lui que des mots de mépris, le plus total. Ah, une fois qu'on a échoué, il le renie totalement. C'est-à-dire, on a une lettre, donc qui justement est quelques heures après, donc parce qu'il part de Florence et s'échappe à Ragusa, donc Dubrovnik, hein, donc vraiment il part très très loin parce qu'il craint donc la représailles de Médicis. Et lui, il écrit un sonnet, mais d'une méchanceté totale, donc à l'égard de cet homme qui était son chef, hein, direct, donc et qui l'a servi loyalement. Effectivement, il faut éviter l'échec. Une fois que l'échec consommé, il n'y a que le mépris. Ça veut dire que les hommes politiques n'ont pas le droit à l'échec, mon Machiavel, et ça veut dire aussi que finalement, gouverner, c'est avant tout gouverner de manière négative, c'est-à-dire en prévision du mauvais sort, plutôt que de gouverner coûte que coûte pour appliquer, par exemple, un programme de manière beaucoup plus positive. J'ai un programme, je veux l'appliquer. Plutôt que de m'adapter à l'histoire, en fait, finalement, imposer à l'histoire ma vision. Je pense que c'est ça, donc, après programme, c'est un anachronisme, hein, parce que un programme, oui, alors est-ce qu'il y avait une idée, c'est ça. Mais disons que ensuite, pour Machiavel, il y a toujours un écart tragique entre justement les mots et les choses, hein, qui se font, donc entre les programmes, les idées, les apparences aussi, et ce qui est en réalité. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une vision assez négative du gouvernement du prince selon Machiavel, à savoir en fait il ne gouverne pas, il essaye juste en fait de s'adapter, ce qui est quand même le contraire du fait de gouverner, de conduire quelque chose, puisqu'il ne fait que s'adapter à des circonstances qu'il doit déceler et il doit exercer un talent politique qu'il nomme la virtu, voilà, qui n'est pas la vertu au sens antique, mais véritablement en fait une manière, un talent politique. Donc d'adaptation et d'acuité, comme on l'a dit, finalement, c'est pas un gouvernement que produit le prince, c'est tout le temps une forme d'anticipation et c'est une manière plutôt une forme d'adaptabilité. Alors oui, virtus dans ses vaillances, donc on peut traduire effectivement. Parfois on ne traduit pas parce que c'est virtus, donc c'est quelque chose qui est propre à la vir, donc c'est voilà propre à la force. À la force, oui. Mm-hmm. Vis, donc c'est ça. Il y a le gouvernement, des hommes, tel que Machiavel le conçoit, est fortement dépendant d'une temporalité. Vous avez une temporalité courte qui est celle de l'urgence. Effectivement, là, vous n'avez pas le temps donc d'aller agir. Il faut effectivement prévoir. Il faut surtout s'adapter. Et puis donc, il y a une temporalité plus longue dans laquelle s'installent les princes. Et ça, effectivement, ça demande d'autres qualités, des qualités notamment de savoir mettre ensemble des alliés différents, se faire allier donc de différents composants du corps politique. Et ça, c'est quelque chose qui rend le gouvernement stable, si vous voulez. Donc il y a temporalités différentes. Dans la temporalité courte, qui est celle de l'état d'urgence, disons comme ça, si on prend une expression qui est souvent utilisée, effectivement, c'est quand vous dites donc il y a pas le temps quoi, donc il faut réagir, il faut s'adapter, il faut prévoir et s'adapter, mais le prince prévoit aussi une temporalité plus longue, voilà. Et donc pour ça effectivement le prince doit être capable de mener une action de ralliement d'alliés possibles, et ça c'est essentiel pour garder donc le pouvoir dans la temporalité longue. Donc ça dépend de la temporalité dans laquelle on s'inscrit, mais disons que la première, disons, celle courte est une possibilité constante. Mais ce qui repose finalement, Sandro Lodi, la question de l'échec. Est-ce que échouer, c'est ne plus être au pouvoir, ou est-ce que c'est ne pas réussir à mettre en œuvre une politique qu'on avait décidée, ce qui est quand même en fait différent. On reproche souvent aux hommes politiques en fait de n'être là que pour être élus, ouais. Mais le véritable échec, c'est de n'avoir même pas eu le temps ou les moyens ou le courage d'imposer une vision des choses. Oui, alors vision des choses dans le cas, oui, donc je pense qu'effectivement, notamment dans le chapitre 9e du prince, il montre bien que le prince, pour gouverner, il doit être capable d'avoir une vision politique, qui est une vision politique pour l'occasion donc assez novatrice, donc effectivement de mettre de côté, de marginaliser ceux qui sont... ceux qui connaissent des choses de près, et s'allier donc dans la majorité des individus. Donc ça, c'est la vision politique, en gros. Sous la longue période, c'est ça. C'est-à-dire, le prince, elle doit être capable de s'allier du peuple. Après, donc, il faut savoir ce qu'est le peuple. Hein. Mais disons, de la majorité des individus, de la majorité des hommes. Mais c'est pas une fin en soi, de s'allier le peuple. Ouais, c'est une, c'est l'une des conditions pour que le gouvernement d'un individu puisse durer dans le temps. Et pas simplement, c'est une possibilité pour sortir de la contingence. De la contingence qui est donc la fortune et oui, pour pouvoir exercer. Sachant que la contingence est toujours là, si vous voulez. Mm-hmm. Mais manière pour donc pour éviter, disons, les coups les plus imprévisibles, c'est avoir des bases solides. Et la base la plus solide, le prince, donc, notamment qu'on appelle le principato civile, donc c'est justement un prince qui sait se tourner vers donc, les humeurs du peuple, gouverner avec le peuple, sans les oligarchies. En mettant de côté l'oligarchie, donc les gens qui connaissent les choses. Donc les en mettant de côté proches. Les oligarques, ça veut dire que véritablement le prince, si je vous suis bien, Sandro Lodi, est là pour gouverner le peuple contre les grands, en fait, contre les oligarques. C'est-à-dire, ce serait quoi aujourd'hui? Ce serait les grands chefs d'entreprise, les grands patrons du CAC 40. Je sais qu'il y a aujourd'hui une une interprétation démocratique de Machiavel qui est totalement anachronique. Donc il faut prendre la distance, effectivement, de tout ça. Je pense que Machiavel a plutôt une idée de l'oligarchie. Ceux qui sont les oligarques, donc dans la Florence de son époque, c'est effectivement les familles qui, d'un point de vue électoral, hein, parce que c'est toujours des élus, sont toujours proches de la chose publique. Donc ils connaissent les choses, ils connaissent les mécanismes du pouvoir. Et après, donc, il y a une masse de personnes qui est éloignée, qui parfois donc parvient, parce que dans la République, on peut parvenir donc par élection au poste de responsabilité, mais qui en général est éloignée du pouvoir, qui voit les choses, mais qui ne les touche pas. Machiavel, donc, il distingue deux catégories d'hommes, ceux qui touchent et ceux qui regardent. Ceux qui touchent, c'est les oligarchies, dans les oligarques, c'est-à-dire ceux qui sont proches et qui voient les choses de près. Et puis, donc, il y a ceux qui sont à distance, c'est le peuple, tous, sans distinction, qui voient les choses, mais qui n'ont pas capacité de toucher. Et Machiavel dit au prince, ben, il faut s'appuyer sur cette partie-là, si vous voulez gouverner, sur ceux qui voient les choses et qui ne touchent pas. On va justement parler, on va tout de suite écouter ce que dit Machiavel du peuple, parce qu'il n'y a pas que le prince qui peut se tromper, il y a aussi le peuple. Le peuple, souvent trompé par une fausse idée du bien, désire Sarvine. S'il n'y a pas quelqu'un en qui il ait confiance pour lui faire comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, les républiques se trouvent exposées à une infinité de périls et de dommages. Lorsque le hasard fait que le peuple n'a confiance en personne, comme il arrive parfois parce qu'il a été trompé auparavant par les événements ou par les hommes, alors l'État en vient nécessairement à s'effondrer. De ce manque de confiance, il découle parfois que les républiques ne font pas le bon choix. À considérer donc ce qu'il est facile et difficile de persuader à un peuple, on peut faire cette distinction. Ce que vous avez à persuader représente d'emblée un gain ou une perte et paraît donc un choix courageux ou vil. Si, dans les choix qu'on présente au peuple, on voit un gain, même si cela cache une perte, et si ce choix paraît courageux, même s'il cache la ruine de la République, il est toujours aisé de persuader la masse. Mais il sera très difficile de la convaincre des choix où l'on voit une lâcheté ou une perte, même s'il cache le salut et le profit de l'État. Ce que je viens de dire est confirmé par d'innombrables exemples romains et étrangers, modernes et anciens. Je dirais donc qu'il n'est pas de moyen plus aisé de ruiner une république où le peuple a de l'autorité que de l'engager dans de courageuses entreprises. Car là où le peuple a de l'importance, elles sont toujours acceptées. L'opinion contraire ne trouvera aucun remède à leur proposer. C'était Machiavel toujours, mais attention, pas le prince. Discours sur la première décade de Tite Livre, premier livre, chapitre 53, trompé par une fausse apparence de bien, un peuple désire souvent sa ruine, de grandes et glorieuses promesses le convainquent aisément. Beaucoup ces titres à rallonge en fait, parce que on sait tout de suite de quoi il va être question, ça me permet d'avoir résumé en deux secondes en fait ce texte, et effectivement, il faut reconnaître à Machiavel d'avoir perçu cette tendance naturelle presque anthropologique des hommes, qu'il s'agisse du peuple ou du prince, de se tromper, en fait, de tendre naturellement à l'échec, à la différence près que le prince semble pouvoir aider, guider le peuple en présentant les choses autrement au peuple pour qu'il ne se trompe pas. Donc oui, donc il y a, dans la préface même du prince, il dit que pour être prince, il faut se mettre du côté du peuple, et pour être peuple, il faut se mettre du côté du prince. Effectivement, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire quand il écrit Le Prince, il se met du côté du peuple et il regarde. C'est une question de perspective. Hein. C'est à l'époque où, justement, à Florence, donc, on a inventé la perspective. Donc, encore une question de regard. C'est une question, encore une fois, une question de regard. Donc, il y a un double regard. La réalité vue par le prince n'est pas la même de celle qui est vue par la multitude. Il y a plusieurs manières de dire la multitude. Pas masse, donc masse n'existe pas, non, mais peuple, donc évidemment. Ce qui est intéressant chez Machiavel, c'est qu'effectivement, peuple qui est une catégorie politique, hein, peuple à France, c'est tout simplement, depuis le Moyen-Âge, la classe dirigeante, parce que être une république, Florence est république, donc, et depuis 1293, les nobles, c'est-à-dire les nobles, donc on peut, comme il y a en France, les feudataires, c'est d'origine noble, sont exclus du gouvernement. Donc le peuple est d'abord la classe politique de Florence. Mais Machiavel opère une analyse donc, de cette catégorie politique qui est très fine. Et quand Machiavel parle de peuple, il ne parle pas simplement de la classe dirigeante de Florence, mais il parle aussi de l'universalité des individus, de la globalité des individus. Donc il y a une perception de cette multitude qui est effectivement, comme vous le disiez, à caractère anthropologique. C'est-à-dire, est peuple tous ceux qui se limitent à voir les choses et qui ne les touchent et qui ne peuvent pas les toucher. Ce qui ça, veut dire... c'est le peuple. Donc, et ce peuple-là est, comme le dit le chapitre 25, excusez-moi, je termine, est... ce peuple-là, donc, est trompé par les fausses apparences des choses. Parce que, justement, le peuple est une communauté des perceptions. C'est-à-dire, le peuple est simplement, de façon totalement contingente, tout le monde peut être peuple quand il est à distance des choses. Ce n'est pas une question de statut social. Et à l'époque, donc, c'est ça. C'est-à-dire, le peuple est une catégorie qui n'est pas une catégorie marxiste, donc ce n'est pas une classe sociale. Dans les cités-États, donc, peuple était effectivement une catégorie très large, quoi. Donc, il pouvait inclure pas mal, donc, des statuts sociaux. Et Machiavel voit dans le peuple simplement un acteur collectif qui est caractérisé par une certaine vision des choses. Donc, c'est, et donc, à distance, le peuple est celui qui est à distance, on se trompe. Mais alors, ce que je ne comprends pas dans ce texte qu'on a entendu, Sandro Landi, c'est que Machiavel recommande, d'une certaine manière, de présenter les choses sous un certain jour au peuple, puisque précisément, il vit dans cette communauté de perception, notamment sous le régime de la visibilité, donc du regard. Il conseille de présenter les choses en termes de gains ou de pertes, ce qui est déjà une manière assez pauvre et dichotomique de présenter les choses, mais surtout ce qui est une manière complètement paradoxale de présenter les choses. Pourquoi ne pas être transparent? Pourquoi ne pas dire la vérité si, puisque si on présente les choses en termes de gains et de pertes, on a l'impression en fait d'entretenir le peuple dans cette modalité du visible et puis peut-être dans cette idée qu'on va peut-être le tromper, vous voyez? Oui, alors Machiavel, quand il parle de gains, donc il dit voir un gain, paraître courageux, donc il y a toujours ces verbes qui portent sur la question, la dimension de des apparences. Et Machiavel sait, ça c'est le chapitre 18 du Prince, que le gouvernement des hommes se passe largement sur, dans cette dimension, qui est la dimension de la vision et de l'imaginaire. Machiavel sait que pour gouverner une multitude, un groupement humain, il ne faut pas, c'est-à-dire, il s'agit pas simplement de dire tout le temps des choses fausses, au contraire, mais le gouvernement des individus impose de gouverner l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif. Ça, c'est aussi, c'est une, de mon point de vue, donc, c'est l'une des, oui, peut-être l'une des inventions Machiavel, inventions, donc, l'une des analyses les plus novatrices de Machiavel. Cette attention portée sur l'imaginaire collectif comme lieu de du politique. Et donc, là, il sait bien que, donc, dans cet imaginaire, le peuple est, tout naturellement, par sa nature profonde, parce qu'il connaît, selon Machiavel, il y a une nature profonde, le peuple donne toujours sa faveur à ceux qui sont courageux, impétueux. Donc, et donc il dit, si vous voulez le soutien, il faut cultiver cet imaginaire-là. Cet imaginaire. Et là, vous aurez donc effectivement le soutien de la majorité des individus, même s'ils se trompent. Merci beaucoup, Sandro Landi. On doit déjà se quitter. Je rappelle donc que de vous, on peut lire Le regard de Machiavel, penser les sciences sociales au XVIe siècle. Justement, on retrouve ce terme de regard. C'est un livre paru aux éditions Presse universitaire de Rennes en 2021. Et puis, vous avez aussi écrit Naissance de l'opinion publique dans l'Italie moderne, Sagesse du peuple et savoir du gouvernement de Machiavel aux Lumières, aux éditions Presse universitaire de Rennes aussi. Et enfin, Machiavel aux éditions Ellipse, paru en 2008. Et puis, bien sûr, lisez Le prince de Machiavel, disponible aux éditions Robert Laffont, traduction de l'italien par Christian Beck. Encore merci, Sandro Landi. Grand merci à vous. Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait. Oh bon Dieu, où à mes aïeux, pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Sacha Distel, Toute la pluie tombe sur moi, et maintenant vous allez écouter Frédéric Vance pour sa chronique Le pourquoi du comment. Comment définir le sacré ? Ce n'est pas sans une terreur sacrée qu'on doit aborder la question du sacré. Mais pourquoi le sacré nous fait-il peur et même inspire-t-il de la terreur à ce point ? C'est paradoxal, puisque le sacré est censé nous protéger. Ce qu'on appelle sacré, c'est la délimitation d'une zone, par exemple par un trait, par une frontière, par une barrière, une zone au-delà de laquelle tout acte de violence est interdit, une zone au-delà de laquelle il y a de l'intouchable absolu. Voilà ce qui définit le sacré et voilà ce qui devrait, d'une certaine façon, nous protéger contre la peur et même contre la terreur. Dès lors, pourquoi est-ce que cette peur ou cette terreur reviennent dès que l'on parle du sacré ? Eh bien justement, c'est que si l'on interdit des actes de violence au-delà d'une certaine limite, si l'on doit délimiter l'intouchable, l'inviolable, le cercle au-delà duquel la violence est impossible ou interdite, c'est justement peut-être parce qu'il y a de la violence en nous, de la violence entre nous et de la violence partout. Une forme de violence potentiellement ravageuse au point que dans toutes les sociétés, il faille délimiter un cercle du sacré, souvent relié au divin, mais qui peut aussi prendre diverses formes, par exemple dans nos vies privées, quand nous disons « ceci est sacré, c'est intouchable, je n'y touche pas, il ne faut pas y toucher, c'est ce dont je dépends absolument ». Et d'une certaine façon, donc, le sacré a quelque chose à voir avec la violence. C'est d'ailleurs ce qu'a montré René Girard, philosophe et anthropologue, quand il a écrit son grand livre « La violence et le sacré ». Mais justement, dans la violence et le sacré, et on le trouve aussi évidemment dans d'autres livres, la thèse de René Girard est encore plus paradoxale. C'est que non seulement le sacré vise à délimiter la violence, à contenir une forme de violence, mais de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la ligne du sacré, de l'autre côté de cette limite qui, dans toute société, peut-être dans toute vie humaine, et peut-être même en nous-mêmes, délimite un espace d'inviolabilité, un espace de non-violence en principe, de l'autre côté, il peut très bien y avoir, au contraire, un déchaînement de violence, un déplacement et non pas une interdiction ou un refoulement de la violence. Cette violence de l'autre côté de la limite, cette violence de l'autre côté du sacré, c'est la violence du sacrifice. C'est le sacrifice qui, de l'autre côté de la limite, permet une violence sur des êtres qui, justement, on va appeler intouchables, mais non pas. Alors, parce que aucune violence n'est permise à leur égard, mais au contraire parce qu'on peut tout leur faire. Les êtres sacrifiables, les êtres qu'on peut tuer de l'autre côté de la limite seraient donc du côté de la violence, et beaucoup de philosophes, comme Giorgio Agamben, ont repris cette définition du sacré. Quelle est donc la fonction du sacré ? Est-ce que c'est d'empêcher la violence ou au contraire de la déplacer, de la permettre ? Est-ce que c'est un geste de protection ou un geste de pouvoir ? En réalité, peut-être faut-il revenir à l'origine du sacré, dans une violence que nous cherchons à contenir, dans une ambivalence intime, même dans notre relation à nous-mêmes et aux autres les plus proches, le sacré qui, par son interdit, nous révèle donc aussi ce à quoi nous tenons, ce qui est important pour nous et à quoi nous devons nous rapporter, non par la violence, mais par la bienveillance et finalement par la bonté. Merci beaucoup Frédéric et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Salle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, avec Louise André à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui, Florent Bujon et Bernard Gabé à la lecture des textes. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page des Chemins ou sur l'application Radio France. Et on se retrouve demain pour la suite de cette série sur ces philosophes qui se trompent, s'égarent mais retrouvent leur chemin. Demain, Saint Augustin face, je cite, à cette pute d'âme humaine, ce sera avec Frédéric Boyer. À demain.